Chers amis, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. J'ai le grand honneur de remettre au nom de la ville d'Evry à Koba le disque d'or dans ce magnifique bâtiment sphère. Merci beaucoup. N'oubliez pas que l'entrée est payante, elle est de 5 euros. Voilà. Ouais, le disque d'or, il est là, là. Il est dans le backstage, il est dans le 50K. Du bif, avant d'en avoir la lit, m'a mis des barres. M'a montré que les plus grands bleus, t'es gaffe, pense que j'ai des picards, des poux. Avant de parler de la rue, faut y être. Gérer la pression, calmer la boule, le ventre. Avoir des principes, des valeurs enculées. Et ne pas laisser tomber à terre tes couilles. Quand je suis moins fondé, je réfléchis, je cogite. Et je contacte depuis que j'ai cassé. J'ai des nouveaux amis, nouveaux amis. Pourtant, j'ai dormi tout seul, seul dans la nuit. Barreau, des solos dans le centre-ville. Quand c'était la fermeture du rinté, j'allais planquer dans le garage à côté. J'avais caché le pied au deux volets. Des passes de V, il passait la nuit. Maman m'ouvrait plus la porte après minuit. Et quand ils ont soulevé la caisse, j'étais contraint d'aller dormir chez des skis. Dieu merci, c'est beaucoup mieux depuis que je vis la vie d'artiste. J'ai fait le tour de France en piano et tout a commencé dans le bassin. Ça y est, le disque d'or est dans le bassin. Ça y est, le disque d'or est dans le bassin. Ça y est, le disque d'or est dans le bassin. Ça y est, le disque d'or est dans le bassin. De passer des chouchous, la même geste, tu es effectif. Et quand j'ai coupé le la rose de kiff, le plus important c'est d'être actif. Essayer d'éviter un mal de top et à deux doigts que les capsules. Je sais quoi passer à côté du terme, mais ça c'était avant sa mère. De qui dans le temps, frère, jamais je suis dans le poisson, saison d'hiver. Je me calais tout près du réacteur. Et quand l'esprit n'était pas là, me devait de tout détailler sa place. Pas quelques trois actes à sa place, mais j'en fais j'écoute que j'ai gonflé ma tête. J'ai des odeurs, maman regarde. Billets violets, va essuyer des larmes. Quand c'est plus mal le fardeau de la famille, je vais rendre beaucoup plus d'un jeu papa. Le disque d'or en amont, pas besoin d'aller au pour guetta S. Toute la journée à la tête, c'est dans tout ce que j'ai pas sur showcase. Ça y est, le disque d'or est dans le bassin. Ça y est, le disque d'or est dans le bassin. Ça y est, le disque d'or est dans le bassin. Ça y est. La grinta, on a commencé à trois, mon pote.